بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس 11 بدل 100 سنزيم لسن. يقول المؤلف حفظه الله تعالى لوتور دي في سؤال 70 بعد 800 870 question: ما هي أفضل الصلاة بعد الفريضة؟ Quelle est la meilleure salat après l'obligatoire? Car comme vous le savez, les actes obligatoires sont les préférés auprès d'Allah Azzawajal. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, quand Allah Azzawajal, il y a Allah Azzawajal, que le Nabi sallam dit, qu'Allah Azzawajal dit, « Ma taqarraba ilayya abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi » Que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi pour une chose qui m'est plus aimée que les choses que je lui ai rendues obligatoires. Donc la meilleure chose à faire qui plaît le plus à Allah Azzawajal, c'est les obligations. Donc de ne pas rentrer en erreur, de retarder les obligations pour faire devancer les actes surrogatoires. Cela est une erreur. Donc la meilleure des salats après l'obligatoire, c'est la salade de nuit, ce qu'on appelle Qiyam al-Layl. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Qu'il est dit, rapporté par un musulman, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le meilleur des jeûnes après celui de Ramadan, c'est celui du mois de Muharram, le mois d'Allah. Et que la meilleure des salats après l'obligatoire, c'est celle de nuit. C'est celle de nuit, Qiyam al-Layl. ثم قال في السؤال الواحد والسبعين بعد 800 871e question: ما هي الصلاة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله يحبها؟ Quelle est la salat? Cette salat que le prophète sallam a encouragé d'accomplir et qu'il a informé que Allah azawajal l'aime. Il s'agit de salat al-witr, ce qu'on appelle la salat de l'impair. Witr, c'est-à-dire impair. Wa dalilu hadith Ali radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. Donc dans le hadith de Ali radhiyallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô gens du Coran, faites le witr, c'est-à-dire cette salat qui est impair, car Allah est impair et il aime l'impair. Apporté par Ahmed et authentifié par Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. ثم قال في سؤال 72 بعد 872e question: ما أفضل وقت لصلاة الوتر؟ Quel est le meilleur temps pour accomplir cette salat du witr? 872e question. C'est ثلث الليل الأخير. C'est le troisième tiers de la nuit. Et le dalil, c'est le hadith de Jabir رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. Que celui qui craint de ne pas se lever à la fin de la nuit alors qu'il le fasse en début de nuit. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Et que celui qui tient à la faire en fin de nuit alors qu'il fasse son witr en fin de nuit, car la salat en fin de nuit est sous le témoignage des malaïka qui sont là en guise de témoin, et cela est meilleur, apporté par Moussoulim. Mais également, c'est l'heure à laquelle Allah Azzawajal descend au ciel de la dunya durant la période durant laquelle, justement, il répond aux invocations. Donc cela est meilleur, ce temps-là est meilleur pour faire cette salat. Pour celui qui a la force de se lever à ce temps-là, et celui qui ne peut, quand même, il se contente de le faire en début de nuit. Ou également, que le witr, par la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens puissent obtenir malgré tout la récompense, car les gens diffèrent dans leur niveau d'effort à fournir, d'ijtihad dans l'adoration, Allah azawajal a permis que même ce witr soit accompli, ne serait-ce qu'avec une seule rakat. Donc on peut faire la salat du Qiyam al-Layl entièrement, on l'appelle le witr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rajouté plus de 11 ou 13 rakat. Et lorsqu'on dit 13, c'est que des fois il commençait son qiyam par 2 rakat légères. Et certains relèvent avant que c'était 2 rakat qui sont après le Isha, il y a eu une divergence par rapport à ça. Le c'est qu'ils n'aient pas plus que cela. D'accord? Cependant, il n'est pas obligatoire aux musulmans. Cela est plus parfait. Cela est meilleur. Mais tout le monde n'a pas la même force. Donc certains peuvent faire 9. Certains peuvent faire 7. D'autres 5. D'autres 3. Et jusqu'à une. Une rakat. Donc à ne pas négliger cet acte. Ne serait-ce qu'une rakat. À accomplir. Ne serait-ce que même en début de nuit. Tu as fait ton isha. Tu as fait tes 2 rakat de sunna du isha. Tu vas aller te coucher par exemple. Et tu crains de ne pas te lever en fin de nuit. Car c'est le cas de la plupart d'entre nous. Et qu'Allah nous pardonne dans notre taqsir, dans nos manquements. Par sa miséricorde immense, il nous a permis de pouvoir faire ce witr, d'en tirer la récompense, ne serait-ce qu'une rakat avant de dormir. Ma akhaf ma yakun alayna. Très léger. Et salat el witr, c'est à la rakat, à la base, la dernière, en plus, du dedans, à la base, pour le Prophète sallam, il récitait Qul huwallahu ahad. Salat el ikhlas. L'une des plus courtes surat qu'il y a dans le Coran. Donc, ça, c'est parmi les actes les plus faciles à faire. Et pourtant, celui qui l'accomplit et qui perdure dessus en tire une très grande récompense. Et il est considéré comme ayant fait Qiyam al-Layl. Ça, c'est compté comme étant un Qiyam al-Layl. Ne pas croire que Qiyam al-Layl, c'est forcément on fait la salade toute la nuit, pendant une heure, pendant trois heures. Il n'y a pas de temps défini. Il n'y a pas de temps défini. Bien qu'à la base, la faire toute la nuit, cela n'a été rendu mustahab que pendant Ramadan. Par exemple, pour la nuit, lorsqu'on cherche les lettres cadre à Ezalika. Sinon, l'insan, il prend sa part de sommeil. Il en a besoin. Car s'il fait Qiyam al-Layl toute la nuit, on dit par exemple tous les soirs, que va-t-il faire la journée? Il sera fatigué, il ne pourra rien faire. S'il le fait de temps en temps, cela lui permet également. Mais là, c'est une rakat, avant de dormir, très légère. D'accord? Et après, tu vas dormir. Et cela te facilite, même on dit que tu as trouvé l'énergie de te lever en fin de nuit, tu as le droit de refaire d'autres rakat, mais tu ne finis pas avec un nombre impair. Tu ne finis pas avec un nombre impair quand ton witr, tu l'as déjà fait. Donc voilà, ça c'est une chose qui est très facile à faire pour nous. D'ailleurs, l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala, lui, refusait de prendre le témoignage de quelqu'un qui ne faisait pas le witr. Par rapport à cela. Mais pourtant, cette salat n'est pas obligatoire. D'ailleurs, celui qui ne la fait pas n'endosse pas de péché. Mais il perd un grand khayr. Il perd un grand khayr. Thumma qala fi su'al al-thalith wa sab'in ba'd al-thamaniyah. 873e question. Ma ya witr al-nahar. Maintenant, quelle est la salat impair du jour? Car ce que nous venons de citer, c'est celle de la nuit. Et celle-ci n'est pas obligatoire. Tandis que celle du jour, c'est salat al-maghrib. Salat al-maghrib, comme dans le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر النهار que la salat du maghrib c'est le witr du nahar. Pourquoi? Car c'est une salat qui se compose de 3 rakat, donc c'est un nombre impair, et c'est la seule. Le reste c'est ou 2 ou 4 nombre pair, mais la différence c'est que celle-ci est obligatoire. Cette salat du maghrib est obligatoire et en son temps également. ثم قال في سؤال الرابع وسبعين بعد 874e question. Ma ya salat allati tajtami' fiha al-mala'ikatu al-muta'aqibun. Quelle est la salat durant laquelle justement les anges se réunissent, c'est-à-dire les anges qui se donnent le relais, les anges qui viennent avec nos actions pour les inscrire. C'est salat al-fajr, salat al-asr, qu'on nous a appelé auparavant al-bardan, les deux fraîches, si vous vous rappelez bien. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Que des anges se passent le relais au sein en votre milieu, qui sont les anges, des anges de nuit et des anges de jour. ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. Et ils se réunissent à quel moment ce relais a lieu, pendant la salat du asr, pendant la salat du fajr. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألونهم وهو أعلم بهم. Ensuite, ceux qui ont passé la nuit avec vous remontent auprès de leur Seigneur et les interrogent. Mais il est plus savant de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que Allah les interroge ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Il le sait avant même de vous avoir créé. Mais il les interroge quand même. قال كيف تركتم عبادي. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Nous les avons laissés alors qu'ils faisaient la salat et nous les avons rejoints alors qu'ils faisaient la salat. C'est-à-dire, ils sont arrivés au Fajr, les gens font salat, ils ont quitté au Asr, ils faisaient salat. Muttafaqun alayhi. Regardez le fond de l'Azim. Et également, cela amène à quoi? Encore parmi les preuves qui montrent l'obligation de faire sa salat à l'heure. Et qui plus est, en groupe, en jamaa. Donc, quelle récompense obtient ceux qui réunissent leur salawat à fin de journée tout ensemble? Cela leur échappe, les malaïkas ne témoignent de rien pour eux. Ils ont laissé, ils travaillent, et ils ont retrouvé, ils dorment, par exemple. Ils dorment. Ça, c'est une chose qui est terrible. Et c'est une grande khasara, un grand déficit pour eux, dans cette dunya. 876e question. Quelles sont les deux rakat qui sont meilleures que la dunya et tout ce qu'elle comporte? Il s'agit des sunnat al-subh, les deux rakat que l'on fait avant le fajr. Le hadith de Aïcha, que les deux rakat du fajr sont meilleures que la dunya et tout ce qu'elle comporte. Regardez bien ces deux rakat qui sont très légères, dans lesquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait surat al-kafirun en général et surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Très légères, avant le fajr, et pourtant ces deux rakat auprès d'Allah azawajal valent toute la dunya et tout ce qu'elle comporte. Et pourtant vous voyez des gens se battre pour atteindre la dunya qui n'auront jamais entièrement, et n'en auront même pas ne serait-ce qu'un dixième de cette dunya. Et ils délaissent des choses que Allah leur a rendues obligatoires. Alors que là, on a un fadl azim, un mérite énorme par un acte surérogatoire qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire si on ne le fait pas, on n'a pas de péché. Mais si on le fait, regardez la récompense énorme qu'on tire. Et c'est pour ça que nous avons été créés. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc le faqih est celui qui médite ce genre de choses. Il voit que sa réussite, elle est à travers ses actes. Et non pas le fait de s'efforcer à réunir de l'argent, ou à travailler, ou à faire des choses qui à la base sont permises, mais qui ne rapportent rien, yawm al-qiyam. Que des choses que même des gens parmi les kuffars, les pervers, feront peut-être mieux que lui encore. Mais là, la distinction, elle est là, par rapport aux croyants. C'est que lui se distingue des autres créatures, on va dire parmi les mukallafin, je veux dire, par l'adoration. Et les croyants se diffèrent entre eux, justement, par ceux qui font plus d'adoration. Légiférer, parmi ceux qui n'en font pas. Car même en islam, dans la foi, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas la même force. Et pourtant, des actes faciles à faire sont à la portée de tous. Une rakat avant de dormir et deux rakat avant le fajr. Qui ne peut être en mesure d'accomplir cela? Parfois, ça arrive, on est malade. Mais je parle dans le cas où la personne elle est en bonne santé. Et qui plus est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même ces deux rakat avant le fajr et le witr, d'accord, même en voyage, il ne les abandonnait pas, il le faisait quand même. Tellement c'est facile à faire, à la base. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. ثم قال في السؤال السابع والسبعين بعد الثمانمية 877e question. Quelle salat al-duha? La salat al-duha, de combien de rakat elle se compose? C'est celle que l'on fait après le shuruq, après le lever du soleil, jusqu'à avant le zénith, qui est le temps qui est un petit peu avant le vor. Tout ce temps-là, d'accord, tout ce temps-là, c'est le temps pour faire le duha, salat al-duha. Et c'est quoi le doha? Akalluha rakatayn. Le minimum qu'on puisse faire, c'est rakatayn. Deux rakat. Deux. Aussi légère soit-elle, ne serait-ce que même le fait d'avoir resté al-fatiha fakat. C'est valide et on en tire une grande récompense. Et le doha, on peut faire deux rakat et on peut en faire autant qu'on veut par la suite. 10, 15. Je veux dire 10 fois, 15 fois, mais à chaque fois de rakat, bien évidemment. C'est une salat qui doit se faire en nombre pair. Donc tu peux la faire 10 fois, tu peux la faire 15 fois, tu peux la faire 20 fois, tu peux la faire autant que tu veux, si tu as l'énergie, d'accord, et que cela ne te détourne pas d'une chose plus importante, bien évidemment. Et le minimum à faire, c'est 2. Aussi déjà soit-elle. Comme dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الدوحة أربعا ويزيد ما شاء. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat du Doha 4 fois et ajoutait ce qu'il voulait, apporté par musulman. Et même sa salat du Doha, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en voyage, ne la laissait pas. Ce sont les trois salats qu'il ne laissait pas en voyage surrogatoire, c'est le witr, les deux rakats du fajr et le duha. Les autres, il ne les faisait pas. Fumakale fi su'al 78 barthonomia, 878e question. Yaqul, bikam tafaddal salat al-jama'a à la salat al-fard. De combien se distingue, c'est-à-dire en degré, la salat qui est en groupe par rapport à celle qui est individuelle. Bi 70 ou 20 darajat, de 27 degrés de différence. À savoir que la salat en groupe en jama'a est obligatoire. Et celle qui est individuelle, elle est permise dans les conditions excusant la personne de ne pas pouvoir se rendre à la salat en groupe. Et la salat en jama'a n'est pas une condition pour que la salat soit acceptée. D'accord ? C'est-à-dire celui qui ne fait pas la salat en groupe, sa salat est quand même valide. Mais il a le péché de ne pas l'avoir accompli en groupe, et qui plus est, comme on l'a expliqué, au masjid, et non pas en groupe chez lui dans sa maison avec ses voisins. Sauf quelqu'un qui n'aurait pas le masjid à proximité de chez lui. Cela lui serait permis. Même cela lui serait peut-être obligatoire, ça dépend des conditions. والدليل حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض ب27 درجة. Que la salat en groupe est meilleure que celle qui est en individuel et cela de 27 degrés. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. نعم. هذا القدر نكتفي اليوم. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.